Bonjour à tous et à toutes, chers fidèles auditeurs de la radio Isanganiro. Bienvenue à l'écoute de ce journal. Tout d'abord, le sommaire. Le gouverneur de Muyinga met en garde les administratifs locaux qui ne versent pas la totalité des cotisations pour les élections de 2020. Au sud du pays, un employé du bureau provincial de Rumonge est dans les mains de la justice. Motif, il aurait détourné 15 millions de francs bout de cotisations pour les prochaines élections. Et l'association burundaise des radiodiffuseurs ABR estime que le Conseil national de la communication devrait mettre en avant le bien-être des journalistes burundais qui travaillent pour les radios internationales BBC et Voix d'Amérique avant leur suspension définitive. Et le reportage du jour nous amènera à l'école fondamentale de Rugata à Butaganzo. Nous sommes dans la province de Ruyigi où les élèves des rapatriés ne connaissent pas beaucoup de difficultés pour l'apprentissage du Kirundi. Voilà pour les titres. Alphonse Koubguimana est à la manette du son. Moïse Misagota à la présentation. L'audio, nous vous disons bienvenue. Isanganiro, la radio de l'avenir. Ouvrons cette édition par la page Bonne gouvernance. Le gouverneur de la province Muyinga menace de saisir les biens des administratifs qui n'ont pas versé tout l'argent équivalent à la valeur des quittances reçues pour collecter les contributions aux élections de 2020. Des administrateurs reconnaissent que certains chefs de colline n'ont pas pu tout collecter, mais qu'un délai d'une semaine leur a été accordé pour régulariser leur situation, Dieudonné Nzeimana. Après contrôle, le constat est que certains chefs de colline n'ont pas pu verser l'argent équivalent de toutes les quittances reçues. Claude Bartwanayo, administrateur de la commune Gasogwe. Il déclare que le circuit de collecte est parfois long. Du chef de 10 ménages, dit Nyumbakumi, au chef de colline en passant par les sous-collines, ce n'est pas toujours facile de tout régler. Un délai d'une semaine a été accordé aux chefs de colline qui n'ont pas pu verser toute la somme attendue. Floride Ndouayezu, administrateur de la communauté Rani, indique avoir saisi l'officier de police judiciaire qui a usé de la contrainte sur un chef de colline en situation de débiteur défaillant. Aline Manirabarusha, gouverneur de la province Muyinga, annonce au chef de colline que même un seul sou ne leur sera laissé. Le gouvernement est ferme, recourira aux saisies des biens de ceux qui se rendront coupables de détournement de l'argent destiné à financer les élections de 2020, en croire les propos du gouverneur de la province Muyinga. De Muyinga, Dieudonné Nzeimana pour la radio Isanganiro. Merci Dieudonné Nzeimana. Quittons le nord-est vers le sud-ouest où un employé du bureau provincial de Rumonge est dans les mains du parquet de Rumonge depuis ce vendredi. La secrétaire du gouverneur de Rumonge fait objet d'enquête sur son probable détournement de plus de 15 millions de francs bout. Une somme retirée des cotisations pour les élections de 2020, selon le procureur de la République Armongue, n'est-ce pas Jean-Pierre Misago? La secrétaire de direction au cabinet du gouverneur de la province de Rumonge, arrêtée ce vendredi, est l'une des personnes chargées de déposer au compte bancaire l'argent collecté parmi la population pour sa contribution aux élections de 2020. Cette secrétaire aurait donc détourné plus de 15 millions de francs burundais et le parquet de Rumonge enquête sur ce dossier selon Frédéric Ndaikeza, procureur de la République à Rumonge, qui ajoute que même la personne qui aurait escroqué cet argent à cette secrétaire est retenue sur son dossier. Au moment de leur arrestation, ils étaient à deux, les employés au bureau provincial de Rumonge cités dans son dossier, mais l'un a été libéré après avoir payé l'argent qui lui manquait, selon le procureur de la République à Rumonge. Cela arrive à Rumonge une semaine après qu'un cas similaire ait été rapporté en commune et province de Bururi. Ici, les chefs collinaires qui avaient été arrêtés, accusés d'avoir détourné des contributions aux élections de 2020, ont été ensuite libérés après avoir payé une somme d'argent de plus de 4 millions de francs burundais, de l'argent qui ne peut en aucun cas disparaître comme ça, selon Nestor Nijimbere, administrateur communal de Bururi. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Les politiciens et autres citoyens doivent apprendre à utiliser un langage adéquat. L'appel est du président de la Commission électorale nationale indépendante lors d'un point de presse ce vendredi. Pour lui, une communication inappropriée peut être source de conflits lors des élections. Pierre Clavier Kadhisse a indiqué que la CENI compte organiser des campagnes pour interpeller les uns et les autres et adopter une communication conforme suivie. Concernant la communication qui ne doit pas être source de conflits, c'est ça la préoccupation. Vous savez, c'est pour pouvoir sensibiliser tout un chacun. Il n'est pas dit que tout le monde sache que c'est à travers ce que nous disons que les conflits naissent. Et il faut qu'on le dise aux uns aux autres. Il faut que les gens prennent conscience que lorsqu'ils s'adressent, les uns s'adressent aux autres, il y a un effet. La parole que nous adressons a un effet sur la personne à qui nous l'adressons. Et cet effet peut être bénéfique ou cet effet peut être nocif. Et il faut pouvoir maintenant savoir adopter le langage adéquat pour que les relations entre les personnes, pour que la vie sociale soit la meilleure possible, que les gens vivent dans l'harmonie et que bien sûr, concernant les élections, qu'il n'y ait pas de conflit qui soit vraiment déclenché par tout simplement cette communication inappropriée. Donc la communication est quelque chose d'important. C'est pourquoi nous allons insister là-dessus pour que les uns et les autres vraiment prennent conscience de cela. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Et page média à présent, avant de prendre une décision suspendant définitivement les activités des journalistes des radios BBC Londres et Voix d'Amérique, le Conseil national de la communication CNC aurait privilégié le bien-être des citoyens burundais. Le président de l'Association burundaise des radiodiffuseurs ABR le dit après la suspension définitive des fonctions des journalistes des radios BBC et Voix d'Amérique sur le sol burundais par le CNC. Onésime Harubonu indique que cette institution a des experts en journalisme. Suivez Onésime Harubonu au micro de Vestine Boutoy. Ce que nous disons, c'est que la loi soit respectée et nous avons l'espoir que l'organe CNC a des professionnels des médias et nous espérons qu'ils ont analysé tous les contours, l'inconvénient, l'avantage que la décision peut donner. Alors nous espérons que tous ces contours ont été observés pour que la décision soit prise en faveur ou pour l'intérêt général du pays. Alors, pour ce qui est des journalistes ou d'autres qui bénéficiaient de l'information de la BBC, c'est un manque à gagner. On ne peut faire autrement. Je crois que ce qui prime, c'est effectivement l'intérêt national. Alors c'est maintenant de voir si le CNC a accepté, a suivi tous ces détours pour prendre cette décision. Quelle serait la voie de sortie face à tous ces problèmes? Je crois que le dialogue prime avant tout. Donc il y a peut-être des contacts qu'on pourra mener. Et je me dis que c'est ça ce qu'on pourra faire. Donc il faut qu'il y ait un dialogue, il faut que l'intérêt général soit poursuivi pour que ces médias puissent reprendre leur travail. Et certains magistrats n'exercent pas convenablement leur travail et exigeraient même des pots de vin aux justiciables. Tels sont les propos du ministre burundais de la Justice qui leur demande de se redresser, faute de quoi ils seront punis conformément à la loi une fois attrapés. C'était ce vendredi à Gitega après une réunion à l'intention de tout le personnel des cours des tribunaux situés dans la capitale politique Gitega, Gérard Nibigira. Aimé Laurentine Kanyana, ministre de la Justice et garde des Sceaux, indique qu'à Gitega, il existe des magistrats qui font mal leur travail. Nous avons constaté qu'il y a aussi des cas d'insatisfaction qui se manifestent et que la population, des fois, seulement comprend qu'ils ont connu l'injustice. Sur ce, nous avons prodigué des conseils que nous avons toujours donnés aux magistrats et aux agents de l'ordre judiciaire pour qu'ils puissent bien accueillir la population qui vient vers eux, de traiter les dossiers dans des délais raisonnables et de rendre de bonnes décisions qui sont conformes à la loi. Nous leur avons également invité à éviter tout comportement qui serait de nature à être interprété comme une corruption de leur part. Cependant, il parle de la satisfaction de la population suite aux bonnes prestations de certains magistrats. Nous avons constaté que une grande partie de la population est satisfaite des services. Madame la ministre de la Justice et garde des Sceaux a tenu ses propos ce vendredi à Gitega après une réunion organisée à l'intention de tout le personnel judiciaire de la province de Gitega, magistrats et agents de l'ordre judiciaire confondus. Plusieurs autres questions concernant le secteur judiciaire et la vie du personnel judiciaire ont été étudiées. Depuis Gitega, Gérard Nibigira pour Radio Isanganiro. Merci Gérard Nibigira. Page sécurité à présent, une personne a été tuée à l'aide de machettes et couteaux au cours de cette nuit sur la colline Gitanga de la commune et province Bubanza. Les malfaiteurs qui n'ont pas été identifiés selon la famille de la victime ont appelé l'ovier de plus de 70 ans, lui disant qu'il avait un message à lui faire. Arrivé à l'extérieur de sa maison, Dagdjimana Paul a été capturé puis blessé à l'aide de machettes et de couteaux et il est mort sur le champ selon la même source. Le fils de la victime qui tentait de sauver a failli également être tué. Les balles ne l'ont pas atteint. Au même moment où les administratifs et la police indiquent que les mobiles de ce meurtre ne sont pas encore connus, les voisins pensent plutôt que ce vieux serait victime des accusations de sorcellerie. Il n'y a pas 3 mois qu'un autre vieux de la même colline, Wadira Kumbona Joseph, a été tué également, accusé de sorcellerie selon les témoins sur place à Gitanga. Sécurité toujours, 843 cas d'incidents, dont 519 victimes. Tel est le bilan des violences causées par les armes en 2018 par l'usage des armes légères aux personnes qui en détiennent illégalement. Cela a été dit par la Commission nationale permanente de lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres à Makamba dans un atelier de sensibilisation communautaire pour la prévention et la réduction de la violence causée par ces armes. Le vice-président de la dite commission invite tout un chacun à contribuer au désarmement de ces armes. Les participants se sont engagés à sensibiliser les autres pour éradiquer les criminalités dues à ces armes légères. Page sportive, avant de boucler cette édition, l'équipe de football des policiers du commissariat provincial de Makamba et celle de l'équipe de volleyball du commissariat de Bururi ont remporté les trophées ce vendredi du tournoi des matchs à Makamba entre les commissariats provinciaux de la région sud. Le commissaire régional Sud-Est indique que ce tournoi consiste à présélectionner les joueurs talentueux qui vont bientôt former les équipes de Rukinzo Sud qui n'avaient pas encore été créées. Nuruteguza Tade ajoute que c'est une occasion pour les policiers de renforcer leurs relations. À la source, reportage. Les élèves de l'école fondamentale de Rugata en commune Outaganzo de la province Ruyigi, rapatriés de la Tanzanie, ne connaissent pas beaucoup de défis pendant l'apprentissage du Kirundi. Alexis Bizumukama, directeur de cet établissement scolaire, dit que les efforts fournis par les enseignants sur cette catégorie d'élèves en est la cause. Au niveau de la direction provinciale de l'enseignement, l'on explique que chaque direction communale d'enseignement organise des tests compétitifs pour mettre les apprenants au même niveau. Elini Bel Nibigira s'est rendu à cette école. Voici son reportage. C'est à l'école fondamentale de Rugata, en zone Biyogwa de la commune Butaganzwa, en province Ruyigi. Certains élèves rapatriés de la Tanzanie disent ne pas éprouver de difficultés dans l'apprentissage du Kirundi. Ils énumèrent en langue nationale les leçons apprises en Kirundi et en calcul. Il faut que les écoles soient calmes, et qu'on ait fait les choses, mais on a un gaboulir. Tabikana kayabagu. Tata, mama, bagiye, kukora. Imye, kabiri, katatu, kane, katanu, tandatu, indwi, munani, chenda. Selon le directeur de cette école, le fait que ces enfants ne confondent pas beaucoup les langues est le résultat d'efforts fournis par les enseignants. Cependant, Alexis Bizumukama n'en est pas quelques défis. Ils ont des difficultés de mélanger les langues, surtout des enfants de la première année et de la deuxième année aussi. Ils mélangent les langues au lieu de dire père en Kirundi, data et pas en Kiswahili. tabac, ainsi de suite. Puisque les enseignants les suivent de près, ils cherchent des aides supplémentaires afin de renforcer leur kirundi. Ce responsable scolaire demande aux organisations qui interviennent dans l'assistance des rapatriés de contribuer afin d'assurer les cours de renforcement spécifiques aux élèves rapatriés. Du côté de la direction provinciale d'enseignement à Luyigi, l'on explique que c'était une confusion de langue par l'organisation des directions communales d'enseignement. Ruben Naombukiye, conseiller à la direction provinciale d'enseignement chargé de la planification scolaire, donne l'exemple de tests interscolaires. Il n'y a pas de grande astuce. Les enseignants, les montrent. Langue qu'il faut à l'école et la langue qu'il ne faut pas. Et chaque direction communale de l'enseignement essaie de tout faire pour que la qualité de l'éducation puisse être remarquable. Il y a des organisations, des réseaux scolaires. À travers les réseaux scolaires, ils s'organisent et font des compétitions en organisant des tests de réseau. La province scolaire de Luyigi comprend 2085 élèves rapatriés, dont 807 ont été accueillis par la commune de Gisuru. Merci Elinibel Nibigira. Et voilà, chers auditeurs, à 13h13 dans les deux de la radio Sanganiro, c'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je dis merci à Alphonse Koubguimana pour sa parfaite collaboration technique. D'ici là, portez-vous bien. Dans quelques instants, c'est la revue de la presse. Au revoir. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon votre zone d'écoute. La Sosumo a un besoin d'urgence d'équipement pour réussir la campagne 2019. C'est le journal Burundi Echo qui titre, en rapportant la note d'information sur la situation de la Sosumo, telle que présentée au Conseil des ministres du 20 mars 2019. La société sucrière du Mosso connaît des difficultés liées essentiellement à l'insuffisance des moyens de transport de la canne à sucre et au dysfonctionnement de certains équipements. La note souligne que, vu l'urgence de l'acquisition de tout le matériel pour la campagne 2019, qui devrait commencer dans la première quinzaine du mois de juillet prochain, la Sosumo devrait bénéficier d'une autorisation spéciale de passer directement les commandes chez les fabricants, sans passer par de longues procédures. Et l'INSS, entre le marteau et l'enclume, alerte Net Presse, qui écrit que la santé financière de l'Institut national de sécurité sociale, INSS, va décrescendo. Citant une source qui était en pleine réunion des cadres de la sécurité sociale, de l'employeur, des syndicats et du ministre chargé des droits de la personne humaine, Martin Ivyavandi, Net Presse révèle que lors de cette réunion d'échange, le consultant de cette institution a fait savoir que la santé économique de l'INSS est en berne, d'autant plus que les dépenses sont supérieures aux rentrées, avec une dette du gouvernement envers cet institut qui avoisine les 39 milliards de nos francs et plus de 19 000 pensionnés qui graviteront autour de 57 000 en 2030. Dans sa dépêche, ce quotidien en ligne rapporte que le consultant a demandé à cet institut social de trouver d'autres moyens pour assurer la bonne santé de cette institution, la maîtrise des charges et la majoration de l'âge de la retraite de 60 à 65 ans et au gouvernement de régulariser sa dette. Le journal Iwachu publie un reportage de son correspondant de Gitega qui développe comment les artisans de la place ne manque pas d'imagination et s'adapte à l'absence des lianes et autres matières végétales traditionnelles de tissage. Pour tisser les paniers, les nattes, les civières, etc., ils ont adopté d'utiliser les matériaux de récupération, surtout en plastique. Et pour les clients, c'est plus résistant et très durable, même si le prix reste très cher. D'une pierre, deux coups, commentent nos confrères, puisque du fait de l'introduction des matières plastiques dans le tressage traditionnel, la production vannière actuelle est considérée par les artisans comme l'une des réponses actives à la pression du monde moderne et à la protection de l'environnement, et que sur les places publiques, les matières plastiques que ces tisserands utilisent ne sont plus dispersées ici et là parce qu'elles sont devenues rentables. Revue de la presse. Les deux mamans aux milliers d'enfants, c'est le titre d'un livre présenté mercredi par ses auteurs. Deux sœurs de sang, Space Nihangaza et Caritas Abonimana, cofondatrices de l'association Famille pour vaincre le sida, FVS AMA de Burundi. L'agence burundaise de presse qui donne cette information souligne qu'en écrivant ce livre de 5 chapitres, Mesdames Nihangaza et Habonimana ont voulu partager leur expérience de 27 ans en faveur des orphelins pour que les autres personnes qui veulent s'engager auprès des enfants en difficulté puissent s'en inspirer. L'ABP rappelle que FVS Amade a été agréé le 31 avril 1992 et que ses axes d'intervention sont la protection des droits des enfants, l'éducation et l'appui psychologique, le renforcement économique des ménages, la santé et la lutte contre le VIH-SIDA. Éducation avec l'enseignement post-fondamental sous l'autopsie des spécialistes pédagogues. C'est le journal La Voix de l'enseignant qui nous fait part de l'évaluation portant sur l'enseignement post-fondamental général et pédagogique, technique et l'enseignement des métiers et de la formation professionnelle. L'objectif de cette évaluation, dont le rapport provisoire a été rendu public ce jeudi 28 mars 2019, est de corriger à temps les erreurs commises lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des programmes. Cet hebdomadaire de l'éducation note avec les rapporteurs que les intervenants dans le secteur de l'éducation apprécient les propositions formulées, mais déplorent que la pédagogie d'intégration qui donne du fil à retordre aux enseignants et aux élèves n'ait pas été touchée. Je n'aurais pas dû naître car mon père est prêtre, titre un blogueur de la communauté Yaga. Partant du sommet consacré aux abus sexuels commis à l'encontre des mineurs, tenu au Vatican en février dernier, et au cours duquel les évêques africains y ont prétendu que cette crise n'était qu'une histoire de blanc, nos confrères rapportent qu'en Afrique, d'autres douloureuses réalités existent. Ils publient en effet ce grave témoignage d'une fille unique, âgée de 16 ans, catholique de l'archidiocèse de Gitega, élevée par sa mère, qui malgré plusieurs questions ne lui a jamais révélé l'identité de son père, qui se trouve être un prêtre. Cette fille, née d'une liaison interdite, n'a appris la réalité que de la bouche de son oncle qui, en colère, au cours d'un différend familial, cracha le morceau. Ainsi se referme cette revue de presse réalisée et présentée par Jean Bosco Ndouimana. À la prochaine. Revue de la presse.